La filière polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée a présenté le 9 courant dans son page d'internet l'œuvre classique du général Kim Jong-il, appliquant à fond les recommandations du camarade Kim Il-sung, grand leader, en matière d'orientation du pays.